Roger Réjean et Jacqueline Adler présentent Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, c'est Arrivé à 36 chandelles, le film de Henri Diamant-Berger avec Jeanne Sourza dans le rôle de Madame Sophie, ministre des Sports, Guy Bertil, Hugues, Brigitte Barbier, Brigitte, Jacques Ribrol, Michel, Lucien Rimbourg, Garousse, Suzé Maïs, Mathilde. Jean Nohain joue son propre rôle. Et dans leur numéro, Charles Aznavour, Philippe Clay, Juliette Gréco, Danny Doberson, Georges Guettari, Guylaine Guy, Odette Laure, Charles Trenet. Musique de Francis Lopez. Commentaire radiophonique dit par Bernard Marsay. Cette histoire débute à Cambournac, une petite ville de la province française, une petite ville bien de chez nous. Dans cette aimable cité campagnarde habite Madame Manien, qui possède un magasin de postes de radio et de télévision. Sa fille Brigitte, un jeune apiculteur Michel, un peu le fiancé de Brigitte, et Monsieur Garousse, propriétaire. Aujourd'hui, Michel a quelques petits reproches à faire à Brigitte au sujet d'un certain Hugues, que Madame Manien se plaît à considérer comme le futur mari de sa fille. Qui est donc exactement ce monsieur Hugues? Eh bien, il est le neveu de Sophie, une amie de Madame Manien, ce qui ne serait rien si cette Madame Sophie n'était le ministre des Sports en personne. Il est sympathique et gentil, ce neveu du ministre, mais il n'est pas bon à grand-chose. Nous allons le retrouver bientôt à la télévision, où précisément Jean Nohain, qui prépare une émission, écoute dans une cabine d'enregistrement Juliette Gréco chantant la célèbre chanson de Raymond Queneau, « Si tu t'imagines ». Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleil des planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois. Ayant regagné son bureau, Jean Nohain va recevoir une visite inattendue. Madame Sophie, ministre des Sports, qui se dérange en personne pour recommander son neveu. Elle est un peu dans la lune, Madame Sophie. Elle mélange tout, prend Jean Nohain pour André Leclerc, le ministère de l'Information pour les Beaux-Arts, et peut-être aussi, à l'occasion, le Pirée pour un homme. Madame Desjardins, ministre de la Jeunesse et des Sports. Mon cher André Leclerc, je suis ravie de vous voir. Oui, Jean Nohain. Vous ne me reconnaissez pas, mon cher ministre? Mais je suis folle, j'ai perdu la tête. Mais pis que ça, j'ai perdu mes lunettes. La taupe du ministère, c'est moi. Je vous présente ma bonne amie, Mathilde Magnin, de Cambournac. Elle vend des postes de télévision. Ça vous intéresse, ça, la télévision? Alors, oui, tais-toi, tais-toi, tais-toi, chérie. Mon cher Jean, on vous blague toujours parce que vous ne laissez parler personne. Oui. Mais alors moi, je ne me laisserai pas faire, je vous préviens tout de suite. J'irai droit au but. Oui, Mathilde a été en classe avec moi, vous comprenez. Elle était toujours dernière et moi première. Mais non, oui, enfin, ça n'a pas d'importance. Le premier mois, ça n'a jamais été pour je voulais vous demander. Oui, Mathilde est la mère d'un amour de petite chose. Vous savez, Juliette. Brigitte. Oui, Brigitte, ça n'a pas d'importance non plus. Alors, Brigitte doit épouser mon neveu, Hugues. Mais où est Hugues? Et je suis là, ma tante. Pierre Jarru, Barbouze, Boboff. Pardon? Okay, traduit pour ces messieurs. Oui. Un proverbe persan. Derrière un éléphant, ne vois pas le petit écureuil. Oh, alors, c'est moi l'éléphant. C'est charmant, un éléphant. Non, Hugues a été de ville en ville dès sa naissance. Parce qu'il était dans tous les pays du monde. Son père était consul. Il avait une très jolie fortune. Une très jolie fortune. Ouais. Et la story potibée Barboura. Mais traduit, chérie. À force d'avoir promené sa bosse, dans la mer emplit sa tête. Oh, comme c'est vrai. La story potibée. Vous verrez les services qu'il vous rendra. Car j'ai décidé que ce gamin allait travailler à vos côtés. Ah oui, oui, c'est-à-dire, cher ami, non, je m'excuse. Ne me dites rien, surtout. Hugues est un être exceptionnel et qui a besoin d'une situation fixe. Mais oui, je ne voudrais pas d'un gendre qui se fait un jour en Suède et le lendemain au Togo. Oui. Quand vous connaîtrez Brigitte, oui, tais-toi, chérie, tais-toi. Oui. Je vais vous le donner 4 semaines à l'essai. Et dans 4 semaines, c'est vous qui me direz merci. Écoutez, cher ami, en ce qui concerne votre neveu... Oui, je sais, il y a 5000 jeunes gens qui ont des titres, qui ont passé des examens et qui attendent. Ordre. Oui. Mais moi, je vous casse mon neveu. Désordre. Ça ne colle pas contre ordre. Oui. C'est un ordre. Mais c'est mieux qu'un ordre. C'est un service d'amis. Alors, cher ami, enfin, cher ministre. Mon cher Jean-Laurent, ne vous gênez pas. Si vous avez besoin de la moindre des choses pour votre émission, je suis intime avec la branche. Vous savez, le ministre des Beaux-Arts. Oui, mais nous ne dépendons pas des Beaux-Arts. Non, nous dépendons de l'information. Oh, je croyais que la télévision était un art. Nous le pensions aussi, oui. Mais... Vous dépendez de l'information. Pourquoi pas de la marine? Chérie, fais-moi penser à interpeller le gouvernement lorsque je serai féminine. Ce sera toujours, voyons. Tais-toi, belle-mère de mon neveu. Avec ce diable d'homme, on passerait des heures à l'écouter. Madame, c'est votre chef de cabinet. Qu'est-ce qu'il veut prévenir que madame viendra ici après-demain. Ah, ben alors, je me suis trompée de jour. C'est avec le ministre du Brésil que j'avais rendez-vous ce matin. Oh, mon Dieu. Mais j'avais un sac aussi. Oh, ma tête. J'avais une tête en arrivant. Mon sac. Oh, ben le voilà, tiens. Alors, écoutez, mon cher André Leclerc, au revoir. Et puis, Hugues, je vous le confie comme si c'était mon fils. Bien sûr. Faites-moi confiance, je téléphone tout de suite à la marine. Allez, bien sûr. Quelle femme extraordinaire. Un peu torrentueuse, mais extraordinaire. Et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous savez faire? Moi, kinotique. Crawl, tennis, piano, bicyclette, pyrogravure. Oui, écoutez, si vous faisiez tout ça en même temps, ça constituerait un drôle de variété. Et je parle aussi un poco l'italien. Je me débrouille en bolivien. Oui. Je parle une sorte d'espagnol d'Argentine. Le persan, l'anglais. The King's English. Mais vous savez, ici, on parle plutôt français. Ah, mais je me débrouille très bien aussi en français. Bah, écoutez, tant mieux, bravo. J'aime autant ça. J'ai l'amoureux au téléphone. Arrangez-vous ensemble. Bon, qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Eh bien, bridge, canasta, golf, tir au pigeon. Vous m'apprendrez? Avec plaisir. Eh bien, ça tombe bien, justement, en ce moment, on n'a rien à faire. Radar. Quoi, radar? Eh bien, pendant mon service militaire, j'étais affecté au radar. Et qu'est-ce que vous y faisiez? Je téléphonais. On pourra toujours le mettre au téléphone. Et oui, justement, le roi du standard, c'est moi. Écoutez, nous allons revenir dans 2 heures, alors installez-vous là. Oui, alors si jamais on téléphone, vous notez toutes les communications. Hein? Je note tout. Voici donc ce charmant farfelu, embauché comme téléphoniste à la télévision. Cependant, à Cambournac, les sentiments de Brigitte pour Michel se précisent. Mademoiselle Mania a décidé d'en parler sérieusement à sa mère. Bonjour, bonjour. Bien, quelle mouche te pique? Si ce n'était qu'une mouche, une abeille. Une abeille de ton cher ami d'enfance. Elle t'a prise pour une fleur. J'ai pas envie de plaisanter, tu sais. Dommage, moi je suis de très bonne humeur. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir? Une nuit. Je vois très clair en soi la nuit. Alors ce matin... Qu'est-ce que tu as encore fait ce matin? Maman, faut que je te parle. Ah, ben alors il ne manquait plus que ça. Un mari incapable qui se retire sur la Côte d'Azur, un employé qui bafouille jusque dans son travail, des abeilles qui me crèvent l'œil, et pour couronner le tout, ma fille qui veut me parler. Qui veut me parler de quoi? Je ne lui demande même pas, je l'ai déjà deviné. Alors? Et alors? Explique-toi. Non, t'es trop méchante. J'ai eu tort de m'emporter. Une seule chose compte pour moi, ton bonheur. J'étais sûre de toi. Ah, évidemment, tu laisses tomber un parti très sérieux, un garçon riche, plein d'avenir, neveu d'un ministre important. Je sais, Hugues est gentil, il est drôle. Il a surtout une situation de choc à la télévision maintenant. Oui, mais je l'aime pas. Et tu abandonnes tout cela au profit d'un autre garçon, du genre Rusto, naïf. Rien demeuré. Oui, mais lui, je l'aime. Tout autre que moi te dirait que tu es une petite dinde. Et tu vas rester 3 jours dans ta chambre pour réfléchir. Maman. Je ne te dis rien de pareil. Alors, si oui. Faut tout de même que je me renseigne. Sur Michel, on l'a toujours connu. Oui, c'est-à-dire que tu ne sais rien de lui. Rien, de sa conduite, de ses liaisons. Tu as entendu dire quelque chose? Je ne te dirai rien avant que je ne sois sûre. Dis-moi au moins tout ce que tu sais. Je sais seulement que ma petite Brigitte est jalouse et je ne veux pas qu'elle souffre. Quand le revois-tu? Le héros de ton cœur? Samedi matin. Ah, alors nous avons tout notre temps. Avoir tout son temps, cela veut dire que Madame Manien va échafauder quelques savantes combinaisons pour que Hugues, et non Michel, devienne son gendre. Nous verrons tout à l'heure que l'imagination ne lui manque pas. Pendant ce temps, les choses suivent leur cours à la télévision. Jean Denain prépare sa prochaine émission 36 chandelles et appelle au téléphone Philippe Clay. Allô Philippe Clay, vous pouvez vraiment pas venir au studio maintenant pour répéter? Moi je peux pas aller chez vous non plus. Dites, vous êtes avec vos musiciens? Vous voulez essayer de me chanter la chanson par téléphone? On entend très bien comme ça. On essaye? C'est une nouvelle chanson? Mais non, c'est pas une nouvelle chanson, c'est un fil sous les pattes. Ah mais je la connais, c'est toujours la même. Non mais j'ai une nouvelle orchestration. Ah bon, voilà, allez-y. Allez-y, les gars. Un fil sous les pattes, maillot écarlate, je suis funambule de mon état. À 20 mètres en l'air, j'écoute le concert de ceux qui me regardent d'en bas. Des ouais, des ah, dès que je fais un pas, ou si j'en tremble, t'es vocifères. Il jette les sous dans mon chapeau mou, en priant bon Dieu que je me foute par terre. Oui, mais moi, tout là-haut, sur mon fil, je trône au ciel de la fête. Et pour ceux qui n'ont pas le cœur fragile, je connais des trucs un peu chouettes. Un fil sous les pattes, maillot écarlate, je suis funambule de mon état. À 20 mètres en l'air, je suis à mon affaire, rien dans la tête et tout dans les bras. Les hauts et les hauts, des fourmis en bas, me console de toutes mes petites misères. Et ce métier-là, je ne lâcherai pas, à moins que je me foute la gueule par terre. Comme je suis balancé comme un prince, les filles me font les yeux doux. Mais ce n'est pas pour elles que j'en pince, j'ai ce qu'il me faut à l'étage en dessous. Un fil sous les pattes, je suis le roi de les pattes, et je règne sur tous les pays. Car au bout de mon fil, sans me faire de bile, je trouverai un jour mon paradis. Oh, c'est très bon, ça va très très bien. Alors là, je mime, vous me suivez? Non, bah regardez. Léo et Léa, les fourmis en bas, me console de toutes mes petites misères. Et ce métier-là, je ne lâcherai pas, à moins que je me foute la gueule par terre, ça. Un fil sous les pattes, je suis le roi de les pattes, et je règne sur tous les pays. Car au bout de mon fil, sans me faire de bile, je trouverai un jour mon paradis. Voilà, ça vous a plu? Ah oui, c'est excellent. Merci, bravo encore mon vieux. Alors, à lundi, sans faute. Dans la même tenue? Dans la même tenue, exactement comme ça. À lundi. Quant à Hugues, il trône dans les bureaux des producteurs et apporte à son travail une fantaisie tout à fait inhabituelle dans la maison. On l'a tout d'abord chargé de convoquer les artistes de 36 chandelles à la répétition de lundi prochain au théâtre de la Porte Saint-Martin. Mais voici qu'arrive dans son bureau une ravissante starlette, Mira. Dominique n'est pas là. Non, c'est moi qui ai la chance de le remplacer. Oh, vous lui direz que je suis partie à Cannes par l'avion Air France au festival. Bravo. Ah si, voici vous deux, là. Vous savez que c'est ma tante, le ministre des Sports, qui préside le festival cette année. Alors, laissez-moi une photo, je vous ferai avoir un prix. Ah oui, dites-moi, vous faites dans quel film, vous voit-on? Moi, j'y vais pour les photographes sur la plage. Il paraît que les stars ne sont pas venues. Alors la maison Théodore m'envoie. On va lancer le nouveau rouge. Alors, annonce votre départ à Dominique avec déménagement. Oh, sans ménagement. Vous lui direz qu'il vient de nous rejoindre d'urgence. C'est pas possible. L'émission de lundi, je suis revenu pour ça, moi. Oh, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait à Cannes, leur émission? En plein festival, c'était indiqué. Oh, mais j'aurais dû y penser. Enfin, dites à Dominique d'arranger ça. Ah, vous avez déjà vu Dominique oser quelque chose, vous? Et vous, vous oseriez? J'ai une tête à ne pas oser. C'était pour vous rejoindre, ça serait possible. D'ailleurs, je dois aller là-bas, moi aussi. Une histoire de femme. Bon, je file. Bon, alors, bon voyage, bonne photo, bon séjour, bravo, taureau. Si vous étiez malin, viendriez tout à Cannes lundi. Si j'étais malin... Ouais. Allô? Jean-Noël Chauffis, oui? La Porte Saint-Martin, passez-la moi. Ici la secrétaire du directeur de la Porte Saint-Martin. Oh, nous sommes très embarrassés au sujet de votre émission de lundi. Eh bien, nous aussi, justement. C'est très bien, alors nous aussi. Est-ce qu'il ne vous serait pas possible, éventuellement, de faire votre émission ailleurs? Ah, ça vous arrangerait que nous fassions l'émission ailleurs? Oui, et nous avons promis la salle depuis longtemps, pour cette date, à l'association des fakirs. Bah, attendez un moment, je vais décider. Une seconde. Aléa, Jacques Taest. Aléa, allô? Bon, eh bien, c'est d'accord, vous avez la chance, c'est d'accord. Oh, merci, merci beaucoup, monsieur. Oh, vous nous tirez une rude épine du pied. Mais j'en aurais trop heureux de vous rendre ce service. Alors, louez. Oh, les vakirs lui seront très reconnaissants également. All right. Eh bien, nous irons à Cannes. Alors, oui, Aznavour à l'appareil. Jean-Noël vous fait dire que l'émission n'aura pas lieu à la Porte Saint-Martin comme convenu. Elle aura lieu à Cannes. Vous dites Cannes lundi? Eh bien oui, Cannes, Alpes-Maritimes. Vous savez que pour chanter, j'ai besoin de mon orchestre. 6 musiciens. Bon, à la rigueur, je peux descendre en voiture, mais eux... Eh bien, priez vos musiciens de prendre des wagons-lits aux frais de la télévision française, bien entendu. Dites-moi, il y a quelque chose de changé à la télé. Ah, l'esprit nouveau, monsieur Zavour. Un jour, je vous dirai les projets, vous verrez, vous serez tout surpris. Vous remercierez Jean-Noël pour moi? J'avais promis de faire un saut au festival et dans le fond, ça m'arrange. Bye bye, ok. L'idée de Mira semble à Hugues tout à fait géniale. Quelques coups de téléphone et voici tous les artistes en route pour Cannes. Naturellement, la seule personne ignorant tout, c'est le principal intéressé, Jean Noël. Quand il apprend la nouvelle, il lève les bras au ciel. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, tu es nommé président d'honneur de l'association des fakirs. Quoi? Oui, tu leur as donné pour lundi soir le théâtre de la Porte Saint-Martin. Ah oui, ils ont déjà installé là-bas leur sac de sable, leur planche à clous, les épingles, tout. La Porte Saint-Martin n'avait absolument pas le droit. Ils ont demandé confirmation par téléphone, tu leur as fait dire que tu étais d'accord pour lundi pour les fakirs. C'est insensé, c'est sur le fakir. Donc, il n'y a pas de temps, il faut trouver une autre salle. Alors, ne te fatigue pas, toutes les vedettes ont été prévenues de ta part que l'émission avait lieu au palais du festival à Cannes. Et elles sont toutes parties. Enchantées de l'occasion d'ailleurs. Mais enfin, quel est l'imbécile, quel est le dingue! C'est beau aujourd'hui, hein? Un peu plus frais qu'hier. C'est vous qui avez téléphoné au théâtre de la Porte Saint-Martin? Non, pas du tout. Ce sont eux qui ont appelé les fakirs, là. Les fakirs! Et les vedettes! Ah oui, les vedettes! Alors les vedettes, je les ai toutes prévenues. Je sais quoi bien faire, moi. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit? Ah, monsieur Noël, vous vous rappelez, pas quand je suis venu voir dans votre bureau, je vous ai parlé comme ça d'une idée. Une idée avec un grand I. C'était ça? Une idée exceptionnelle. Maintenant, tout Paris est à Cannes. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est faire l'émission à Cannes. Et alors, vous vous êtes permis? Il n'y a pas de temps à perdre, voyons. Ils étaient tous très contents. J'ai même eu Chantal au téléphone qui m'a dit « Ah, sacré, j'en ai avec lui pour avoir des idées pareilles. » Alors que c'est moi qui l'ai défait. Bon, voilà, c'est le téléphone arrive à la direction qu'on ne fera pas d'émission entre les Chantal lundi. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude de faire des émissions sans public, sans théâtre, sans artistes. C'est pas un proverbe chinois, ça. C'est un proverbe français. Un proverbe bien de chez nous. À mon idée, avec un petit tif, hein, je ferai l'émission à Cannes, puisque toutes les bêtes sont là-bas. Et le personnel, et le matériel, et les relais. Vous divaguez, mon pauvre ami. Attendez. Taisez-vous tous. Allô, passez-moi M. Ribou, s'il vous plaît. Monsieur Ribou. Écoutez bien, vous, ce qui va se passer. Allô, monsieur Ribou? Oui, c'est moi, pardon de vous déranger. Dites-moi, il nous arrive une drôle d'histoire. Vous savez, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui préside le festival de Cannes, me demande à l'instant même de transporter toute l'émission là-bas, lundi, c'est pas à Cannes. Possible, vous vous rendez pas compte? Monsieur Ribou, écoutez, je m'excuse, vous fatiguez pas les cordes vocales. Vous allez recevoir dans un quart d'heure un coup de téléphone du ministre, et je crois que son désir est un ordre. Mais monsieur Non, moi je vous dis ça pour prendre les dispositions, ça vaudra mieux. Vous voyez ça. Vous avez compris, vous? Voilà l'intérêt d'avoir de la famille dans le gouvernement. La famille ministérielle de Hugues est en effet intervenue. L'émission aura lieu sur la croisette. Et voici tout le monde en route pour Cannes dans le premier avion venu. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il à Cambournac? Des choses dramatiques. La mère de Brigitte a fait habilement maquiller des photos et sur la foi de ces images truquées, Brigitte croit à l'infidélité de Michel. Dispute, brouille, et voici Brigitte partant en claquant la porte pour une destination inconnue. Michel confie son désespoir à son ami Garousse, lequel, capitaine de réserve, eut précisément Jean Nohain sous ses ordres pendant la guerre. Le jour de l'émission à Cannes est arrivé, par l'entremise de 36 chandelles, on va tenter de retrouver la fugitive. Catherine Langeais, la speakerine de la télévision, annonce l'émission. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons ensemble assister à l'émission de Jean Nohain, les 36 chandelles. Ces 36 chandelles brilleront ce soir d'un éclat tout particulier. Elles ne vont pas se dérouler dans leur cadre habituel. L'équipe de Jean Nohain a déserté le théâtre de la Porte Saint-Martin pour se rendre à Cannes. Mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Eh bien, mesdames, messieurs, nous voudrions vous faire assister maintenant à une aventure extraordinaire qui vient de nous arriver. Oui. Et vous tous, là, les fidèles amis du théâtre, des chansons et des variétés, cher Georges Villemer, merci d'être là. Et vous, monsieur Larquet. Et vous, Gabriel Saint-Richard. Et vous, Belle Aglaé. Et vous, mon cher Véroca. Et quatre jeudis. Oui, vous êtes gentil d'être venu. Vous savez, monsieur Larquet, il y a 25 ans que je m'occupe de présenter des émissions de radio et télévision, un métier qui n'existait pas du tout de mon grand-père. Et ce métier serait un petit peu ingrat de temps en temps s'il ne nous permettait pas de réaliser parfois, vous allez voir, de véritables contes de fées. Des contes de fées merveilleux. Et regardez, ce Français qui vient maintenant, le héros de cette aventure, c'est un véritable héros. C'est mon capitaine, le capitaine Garousse. Mesdames, messieurs, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Évidemment, c'est pas votre travail. Mais, je sais, comme tous les Français, j'ai horreur de l'injustice. Vous avez raison. On nous a fait une injustice. Et je suis sûr que vous nous aiderez ce soir à la réparer. Bravo! Alors, capitaine, en résumé, Michel, votre ami, aime Brigitte. Brigitte adore Michel, mais elle a été mal informée. Elle est partie, elle est cachée. Elle a donné l'ordre qu'on ne communique pas son adresse. Et vous ne savez pas où la retrouver, alors vous êtes venu, Michel et vous, demander l'aide de la télévision. C'est bien ça. Mais il y a la suite. Alors pour la suite, j'espère de tout mon cœur que mademoiselle Brigitte est en train de nous regarder devant un appareil de télévision. Et avant d'appeler Michel, qui a un petit mot à vous dire, mademoiselle Brigitte, je voudrais demander au capitaine de nous passer les pièces à conviction. Ah, les photos que j'ai apportées, et que voici. Mademoiselle, c'est une monstrueuse falsification. Regardez bien. Voici d'abord une photo qui vous représente en train d'embrasser Michel. Monsieur le technicien, voulez-vous passer la photo? Sur la photo suivante, on voit une ravissante pin-up qui est en train de sourire. Passez la photo, monsieur le technicien, s'il vous plaît. Et voici maintenant le charmant petit travail qui a été exécuté par monsieur Ambroise à Cambournac sur les ordres de votre mère, mademoiselle Brigitte. Et on comprend maintenant, mon capitaine, pourquoi cette jeune fille est partie, complètement écœurée, sans laisser d'adresse. Mais, mademoiselle Brigitte, avant de passer la parole à votre fiancé, je voudrais dire à notre capitaine que, quand on aime, il faut le crier sur les toits. Que la télévision a des antennes sur tous les toits. Et que grâce à ces antennes, Michel va vous crier maintenant ce qu'il a à vous crier. Michel Grégeois est un peu bouleversé, mesdames, messieurs. Ne vous inquiétez pas, votre fiancé est là. Parlez-lui très simplement. Brigitte, pardonne-moi de te parler au micro devant des milliers de personnes, mais je suis désespéré, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de te joindre. Si tu n'entends pas les mots que je te dis, je suis sûr que quelqu'un aura pitié de moi. Je supplie tous ceux qui peuvent te connaître d'aller te trouver, te dire, te répéter. Brigitte. Voulez-vous redire le nom de votre fiancé? Brigitte Magnin. Quel nom a-t-il dit? Je n'ai pas entendu, madame. Monsieur, maintenant, nous demandons de tout cœur à tous ceux d'entre vous qui pourraient donner des renseignements sur Brigitte de téléphoner au 927-04 à Cannes. Il n'y a plus maintenant qu'à attendre les coups de téléphone et le retour, si le miracle a lieu, de Brigitte. Et l'émission se poursuit. Odette Leur qui lance la grande roue d'une loterie et Jean Noël l'anime. Allez, Odette, lancez la roue. Attention, qui va gagner? Un numéro ou un as? Attention, qui gagne? C'est l'as de carreau. Et ce soir, l'as de carreau, c'est Charles Aznavour. Si je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé bien plaît, au creux de mon épaule, viens tout contre moi, et si je fus maladroit, je t'en prie, chérie, pardonne-moi. Laisse ta pudeur du plus profond de ton cœur bien pleurer au creux de mon épaule. Oublie si tu peux nos querelles d'amoureux et chérie, nous pourrons être heureux. Et votre carte? La dame de cœur. La dame de cœur. Alors, si vous avez pensé la dame de cœur, vous avez gagné. Et tous nous allons gagner, puisque maintenant, notre dame de cœur à nous, c'est Dany Loversson. Tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, il est par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cet air sera pour nous le plus doux, le plus joli. Roger-Pierre, Jean-Marc Thibault, c'est à vous. Oui, Jean-Marc Thibault. Il arrive, je vais le chercher. Vite, mon vieux. Roger-Pierre, Jean-Marc Thibault. Ouais. Oui, Roger. Eh bien, il est par là. Attends, je vais le chercher. Dans 5 minutes, c'est à vous. Alors, ça vient. Ben oui, Jean-Marc Thibault. Il est là. Je suis là. Oh, mais fait peur. Alors, je vous appelle dans une seconde, vous entrez par le centre. Allez, et vous jouez le sketch du caoutchouc. Le caoutchouc. Oui, d'accord. Oui. Bon, alors, attention, je vais vous chercher tout de suite. Alors, toi, tu entres par le côté cour, toi par le côté jardin, et vous faites Cyrano. Non, pas Cyrano. André, qu'est-ce qu'on fait? On fait le caoutchouc, on fait Cyrano. Mais mes enfants, vous le faites ni Cyrano, ni le caoutchouc. On est beaucoup trop long. Vous ne passez pas ce soir. Regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Allez, merci, je vous sentis donc. Eh bien, c'est ce que nous chante Guylaine Guy. Où sont-ils donc, tous ces pays dont on nous parle dans les chansons? Ils sont ailleurs, bien loin d'ici, nuit tropicale, clairs horizons, soleil de feu sur la mer rouge, palmiers géants de l'Hindoustan, technicolore, mon cœur qui bouge, voudrait connaître tous tes printemps. Toute la semaine, je vis au fond de mon quartier. Je n'y vois qu'un mur, je n'en vois même que la moitié. Et au fond, là-bas, sur une corde à linge, des caleçons, des chemises qui font les singes. Je voudrais un jour quitter tout ça, voguer vers ce que je ne connais pas. Où sont-ils donc, tous ces palais, tous ces trésors, brillant la nuit, ces beaux garçons dans les forêts, qui tuent des lions et mangent des fruits, qui se suspendent à toutes les lianes et qui vous prennent au creux de leurs bras. Où sont-ils donc, dites ma sœur Anne, tous ces pays de cinéma? Où sont-ils donc, ces pays-là? Ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Mais moi je sais qu'ils sont le faux pays dans des chansons. Le 19, bravo Ferrand Desflore. Mais attention à votre cinquième mari. Alors tous ceux qui ont parié sur le 19 ont gagné, et tous les autres vont gagner aussi, puisque on est à la fête en ce moment. Alors voici, la fête est là, que nous chante Juliette Gréco. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là, ce qu'on va rire. Assiette au beurre, au tampon, boutique de bois, la fête est là, qui s'installe en colimace, son poignet chez soi, centrale, la la la la la la la. Visez la baraque des lutteurs, les biceps sont à la parade, allez-y donc les amateurs, les filles aiment bien la rigolade. La la la la la la. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là, ce qu'on va rire. La femme poisson et la femme thon, elles prennent la vie par-dessus la jambe, et pour 20 balles donnent l'illusion que c'est une vraie corvée de tringombe. La la la la la la. Y'a les manèges qui tournent en rond, y'a les jupons qui volent au vent, y'a les durs qui font un carton, y'a les mous qui regardent tout contents. La la la la la la. On va vider les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là, ce qu'on va rire. Tard dans la nuit, oncle les boutiques, les roulottes s'en vont tranquillement au long des routes chaotiques, distraire d'autres bonnes gens. À leur place, il y a des papiers gras, des confettis sur les pavés et dans le noir, le bruit des pas d'un couple qui marche enlacé. Quel numéro Odette Laure va-t-elle maintenant tirer? Eh bien, mais tout simplement le sien, ce qui nous vaudra un charmant duo téléphonique. Ça se joue avec un numéro et ça sonne, et on gagne quelquefois des lots extraordinaires. Mais qu'est-ce que c'est? Regardez. Oh, le téléphone, ça n'a jamais été un jeu de hasard. Eh bien, essayez, vous allez voir. Quoi? Bagatelle 22, 22, deux fois, attention. Et qu'est-ce qu'il va y avoir au bout? Le gros lot. Allô? Allô, mon cœur. Oh, c'est toi, mon cœur. Y as-tu bien dormi? Mais oui, j'ai bien dormi. Allô, mon cœur. Je t'écoute, mon cœur. J'ai rêvé cette nuit. Moi, j'ai rêvé aussi. De qui, mon cœur? De toi, mon cœur. Moi, de toi, ma chérie. Tu le dis parce que je l'ai dit. Mais non, mon cœur. Vraiment, mon cœur. Je te le jure, mamie. tu sais très bien. Que sais-je très bien? Que je t'aime à la folie. Que tu m'aimes à la folie. Hier, bien moins. Comment bien moins? Oui, bien moins qu'aujourd'hui. Donne-moi mon cœur. Quoi donc, mon cœur? Un petit baiser. Je veux bien le donner. Oui, mais pour ça. Eh bien, pour ça. Il faudrait que tu sois là. Alors, mon cœur. Je t'écoute, mon cœur. La voiture est en bas. Quoi, tu es déjà là? Je t'emmène, mon cœur. Où ça, mon cœur? Déjeuner dans les bois. Mon amour, dépêche-toi. Viens vite, chérie. Bonjour, ma vie. Partons en amoureux. Partons, le ciel est bleu. Près de l'île Adam. Oui, cher Adam. L'auberge nous attend. Après le repas, ben, qu'est-ce qu'on fera? Ce qu'on peut faire dans les bois. Quand le loup n'y est pas. Puis à la nuit, le cœur ravi. Nous regagnerons Paris. Devant ta maison. Devant ma maison. Je te quitterai. Avec regret. Bonne nuit, ma fleur. Bonne nuit, mon cœur. À demain au récepteur. Pour savoir où m'a mis. Si tu as bien dormi. Bien rêvé, ma douceur. Allô, mon cœur. Roulette. Êtes-vous dans un genre de chance? Attention, c'est le numéro. Le numéro 23. Le numéro 23. Rouge, impair et passe. Monsieur, vous aviez pensé le numéro 23? Mais alors vous avez gagné. Boum, il y a de la joie. Et regardez pour tous aussi. Boum, il y a de la joie. Charles Trenet. C'est une bien gentille maison, sans trop de rimes ni de raison, la maison du poète. Elle murmure soir et matin des musiques, des petits riens qui mettent le cœur en fête. Quand il fait beau, tous les oiseaux du ciel viennent se poser sur son toit rouge et calme. Quand vient l'hiver, son refrain éternel évoque alors les golfes clairs, les palmes. Et chacun porte dans son cœur un écho de son bonheur qui rend la vie sur terre plus troublante dans ses mystères. L'on aime sans façon du poète la maison. Où se trouve donc celle-là, dans quel joli coin de France? Est-ce aux portes du Grand Paris, en Bretagne ou en Provence? Ou bien lorsque tombe la nuit, quand le rideau des songes se lève, cette maison vient-elle sans bruit du fond du beau pays d'air? Ça y est, elle est arrivée. Tu l'as vue? Non, pas moi, Philippe Clay. Philippe Clay! Vous l'avez vue? Elle est arrivée? Oui, elle est arrivée. Oh, quoi, t'as fait? Maintenant, à 3h. Mais où est-elle? Ah, je sais pas, où voulez-moi, dans son box, ou voulez-vous qu'elle soit? Dans son box? Et de qui parles-tu? Eh ben, ma jument est arrivée. Oh, on s'en fout de ta jument. Non, bah, peut-être vous, mais pas moi, qui elle a fait 180 placés. Eh, oh, eh. Combien? 180. Comment je l'appelle? C'est une Miramis. Une troublante dans ses mystères, et l'on aime sans façon du poète la maison. Et voilà, le miracle s'est produit. Brigitte a entendu l'appel pathétique de Michel. Elle accourt, et 36 chandelles se terminent, comme tous les contes de fées, par l'amour heureux des amoureux. Eh bien, chers amis de Grand Chandelle, il y a encore des contes de fées à la télévision. Et vous allez voir l'un d'entre eux maintenant. Nous avons préparé un grand final des couples d'amoureux célèbres. Et à la fin de ce défilé, vous verrez un couple supplémentaire. Voici donc le premier couple d'amoureux célèbres, Daphnis et Claude. Ces couples sont interprétés par des artistes que vous aimez, puisque pour Daphnis et Claude, vous avez reconnu, Daphnis c'est Rogers, et Claude c'est Alexandre. Je tiens à vous remercier. Une aventure sensationnelle. Quoi, ce couple-là? Oui. Le fiancé est arrivé au théâtre. Exactement. Philémon et Baucis, vous les connaissez bien sûr. Philémon, c'est Jean Tissier et Baucis. Jean Fusier-Gir. Ah, Michel, bravo, je suis content d'être votre fiancé, je suis ravi. Brigitte. Brigitte? C'est Brigitte votre fiancé? Oui, c'est elle. Et la vôtre, on la verra bientôt. D'Artagnan. Oh, non, moi j'ai réfléchi. C'est Émilie Gaillard. Cette fois-ci, je vais réfléchir encore un moment. Papa est dehors, viens. Et voici le plus adorable des couples de jeunes amoureux, Paul et Virginie. Ils n'ont pas 30 ans, tous les deux. Vous rappelez. Regardez comment ils sont dramatiques. Lui, Paul, c'est l'auteur de son chanson charmante, François de Guelt. Et elle, c'est Cécile Aubry. Tendre Virginie, tu es si jolie. Et moi je te trouve si gentil. Deux grands amoureux de l'histoire littéraire, Musset et Georges Sand. Mademoiselle Williams, c'est Georges Sand. Et Alfred de Musset, c'est notre ami du Valais. Digue. Vous en faites une tête. Eh ben oui, je me demandais ce que vous étiez devenu. Menteur, vous êtes cherché partout. C'est gentil, ça. Je voudrais que vous veniez avec moi à la réception chinoise. À la réception chinoise? Eh ben parfait. Allons à la réception chinoise, parfait. Napoléon III, vous l'avez reconnu. C'est notre ami Van Rex. Quant à la belle princesse Eugénie, c'est Ginette Vaudin. Et maintenant que vous êtes tous rassemblés, chers amoureux célèbres, je voudrais vous demander de vous tourner vers ce petit temple de l'amour. Et d'applaudir le couple d'aujourd'hui, ce couple dont la télévision assure le bonheur. Oh! Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Korakin et Vado Korak? C'est le proverbe persan, le baiser final. Roger Régent et Jacqueline Adler vous ont présenté Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, c'est arrivé à 36 chandelles. Film de Henri Diamant-Berger, avec Jeanne Surza dans le rôle de Madame Sophie, ministre des Sports, Guy Bertil, Hugues, Brigitte Barbier, Brigitte, Jacques Ribrol, Michel, Lucien Rimbourg, Garousse, Suzanne Maïs, Mathilde. Jean Nohain joue son propre rôle. Et dans leur numéro, Charles Aznavour, Philippe Clay, Juliette Gréco, Danny Doberson, Guylaine Guy, Odette Laure, Charles Trenet. Musique de Francis Lopez. Commentaire radiophonique dit par Bernard Marsay.